je sais, il y a encore du temps. Je sais, j'étais encore au bar. Avec qui j'étais, ça n'a pas d'importance. Avec qui j'étais, tu peux me faire confiance. Tu m'as dit un jour de choisir, entre la bouteille et toi, la bouteille et toi. Le seul problème c'est que t'habites, encore chez moi. Je sais, ça m'a pris du jeu. Je sais, j'étais tellement seul. Maintenant, il y a de vos étincelles. Maintenant, plus fort dans le ciel. Tu m'as dit un jour de choisir, entre la bouteille et toi, la bouteille et toi. Le seul problème, c'est que j'habite encore chez toi. Le seul problème, c'est que t'habites encore chez moi.